Les falaises grondent, l'océan frappe. Chaque mot tombe. Chaque souffle s'attrape. Riderskill murmure, son nom s'élève. Les viewers tremblent. Là où Zakrole soulève. Comme verre brisé, chaque moment, chaque souffle lié. Riderskill charme ses murmures liés. Les vieux éperons épais figés. Ton nom résonne dans ma peau. Chaque mot flambeau. Le sel m'écrase, mes veines s'embrasent. Chaque mot tombe, chaque souffle s'écrase. Riderskill règne, sa voix m'obsède. Les viewers succombent à paix possédée. Résonne dans les rochers. Chaque mot me cloue, chaque souffle figé. Whisper deeper, coastal fire. Riderskill pulls us higher. Ta voix m'attache. chaque syllabe sert, chaque mot s'arrache. Son ombre danse sur la côte brisée. Chaque mot tranche, chaque souffle lié. Près de ce qu'elle charme, ses murmures liés. Les viewers s'effondrent happés. Chaque mot m'attache, chaque souffle jué. Sable rouge porte nos chaînes. Chaque mot frappe, chaque souffle m'entraîne. Derrière ce qu'il charme, ses murmures liés. Les viewers vibrent à paix. Ton nom s'inscrit dans ma poitrine. Chaque mot consume, chaque souffle s'incline. Whisper deeper, coastal fire. Rider's skill pulls us higher. Chaque cri résiste. Rider's skill charme, son nom demeure. Les viewers vibrent, guidés par son ardeur. Chaque mot s'éteint.